si bien. Archibo. Archiradio. Archidou. Archicool. La radio du festival Archipel. Archichouette. En direct. De 10h à midi. Archinul. Sur Archipel. Archifort. Archigrand.org. Hello Archipel. Bonjour Archipel. Oh là là, il y a de l'écho, que se passe-t-il? C'est devenu une cathédrale. Moi j'ai, ouais, il y a un effet cathédrale sur ma voix. Moi je n'entends pas. Parce que c'est la maison Dieu de hier qui nous a amené finalement dans les espaces célestes. Hein. On a une élévation. Ah oui, je sais pourquoi. Spirituelle. Ça, bah, moi j'aime bien. Je me sens pour le pape. En plus c'est Pâques aujourd'hui, non? C'est pas la fête des lapins. Et je crois religieux. Que c'est demain, non? C'est pas demain. C'est pas le lundi de Pâques les lapins? Ah non, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Bon, en tout cas, ici, Archipel, c'est aujourd'hui la recherche des Pâques spirituelles. Et est-ce que nos auditeurs ont entendu l'écho de notre cathédrale? Alors, moi, je ne l'ai pas appelé... entendu. Du coup, ils n'ont pas entendu. Je pense parce que moi, j'entends ce que les auditeurs ont entendu. Alors, il n'y avait pas. C'était que pour nous. Alors, c'était un truc pour nous auto-élever comme ça. Dernière matinée de... Ah, mais c'est vrai que c'est l'heure de la messe. On est dimanche. Non, ça, c'est le moment où normalement j'écoute la radio et je coupe la radio. Très fâché. Mais peut-être que c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y aura beaucoup de personnes beaucoup en d'écho. Train de nous écouter. Ah. Exactement. Donc, on devrait parler en latin, peut-être, pour pouvoir nous faire comprendre comme ça, pour cette dernière messe du radiophonique du Festival Archipel. On est archi triste. On est archi triste, oui, archi fatigué, mais en même temps aussi archi triste que ça se termine là pour cette année. Il y avait Antoine hier, l'autre jour, bon, qu'il n'est pas là ce matin. Antoine, il est sûrement en train de nous écouter avec son acousmonium dans la cuisine, à la radio. Exactement. À la Sonia n'est pas là non plus. On est avec Camille. Ouais, par contre, Sonia est à la cave 12 pour préparer l'émission de plus tard. Et Antoine disait, mais c'est dommage qu'on arrête déjà là, la radio dimanche. Il proposait même de continuer un peu en mode pirate pendant toute l'année. Évidemment, Marie elle était toute enthousiaste. On verra bien si on va se transformer en pirate. En tout cas, aujourd'hui, pour cette dernière journée, c'est un peu pilote automatique parce qu'on a une invitée, mais qui va arriver un peu tard. Et donc, c'est Caroline Profanter. Non, apparemment, elle va arriver un peu très, très bientôt. Ah, enfin, bah alors ça va. Ouais, un peu tôt. Un peu tôt, finalement. mais donc, je disais pilote automatique parce que Caroline Profanter a interviewé Hildegard Westerkamp. Donc hier, il y a eu une diffusion au salon d'écoute d'une pièce d'Hildegard Westerkamp par Caroline Profanter. Puis Caroline Profanter a fait un live et donc c'est dans ce cadre-là qu'on invite Caroline. Et pour l'occasion, elle a réalisé une interview d'Hildegard Westerkamp, mais donc qui n'est pas en direct parce que Hildegard est au Canada, donc il y a au Canada, c'est ça? Oui, c'est ça. Elle est à Vancouver et il y a 6 heures, elle aurait dû se réveiller à 10-6, ça fait 4 heures du matin. Et ben voilà, on a cru que. En plus, hier, c'était l'anniversaire de Hildegard. Donc elle a dû faire la fête. Et je crois qu'elle a probablement. Bon, on aurait pu peut-être l'appeler à 4 heures, elle doit être encore peut-être à la cave 12 avec Sonia. Exactement. Donc voilà, ça sera une interview retransmise, mais. D'une qualité incroyable. Incroyable, exact. Voilà. Ouais. C'est même une interview historique désormais, vu qu'elle a été faite il y a quelques semaines. Ouais. C'est une archive, en fait. Donc Caroline, en discussion avec Hildegard Westerkamp. Et maintenant, on peut écouter la capsule, c'était hier. Une capsule faite par? Par Sonia et Camille, ou Camille et Sonia, je ne sais pas. Oui, les deux. Les deux. Ah, voilà. Quelque chose à dire, Camille, avant de lancer cette capsule? Je laisse les auditeurs X découvrir. Je peux rien dire. Et raconte. Antoine, s'il te plaît, je t'en supplie, on n'en peut plus. Non mais je peux pas en parler là, c'est vraiment trop énorme. Ouh là là. Non mais je sais pas comment je vais dormir après ça. Énorme. Cyril Hanouna à côté, c'est vraiment rien du tout. Je sais pas comment le milieu de la musique contemporaine genevoise va se remettre de ça. À demain sur Archi Radio. ça me rend malade ce genre d'histoire. Moi, quand on me dit genre ouais, j'ai un scoop et tout, et que on me le dit pas et on me dit ouais, je te dirai plus tard, mais non, mais tu peux pas faire ça, tu ne peux pas. Mais tu te rends compte, c'est de la torture de dire à quelqu'un, mais attends, j'ai un truc, c'est méga chaud à te raconter, et que tu veux pas lui le raconter, et c'est dégueulasse, quoi. C'est vraiment immonde. Et ben, ça va faire une super petite capsule, ça. Je me permets de spoiler la suite des messages WhatsApp avec celui-là de la capsule. Sonia, elle dub en son système. Alors, elle vous salue bien, elle vous souhaite bon courage et on vous rappelle à midi. Donc ça, c'était la capsule de la nuit d'avant. Mais nous, on veut savoir les ragots la aussi maintenant. Archi-ragots. Est-ce que Camille, t'as pu faire avouer Antoine? Non, alors c'est resté très mystérieux. Je n'ai pas de réponse. On va plus faudrait le soudoyer. Il faut qu'il nous appelle au 078 244 57 54. Exact. On ouvre pour ce matin, pour le dernier jour, un deuxième jeu. Qui a pu deviner dans les interstices des mots de cette capsule, les ragots de 10 jours de Festival Archipel. Donc on attend vos appels au 078 244 57 Vous pourrez gagner un œuf de Pâques cherché à Archipel. Vous pourrez participer au jeu de la recherche des œufs. Mais même peut-être des gens qui ont des vrais ragots, hein, témoignages. Il y a quelqu'un qui appelle. Ok, bah bon, on est obligé à prendre l'antenne. Allô, allô. Je peux rien dire. Absolument rien dire. La voix des fantômes qui ressort. C'est salaud quand même, hein, de moi nous laisser avec tant de suspense. Je suis d'accord que ça interdit. On rappelle à midi. Tout à l'heure. T'as un couteau à la gorge, j'imagine. Là, j'ai un peu de journée, oui, c'est ça. Voilà, j'ai avalé. Au revoir. Bon, mais... la radio est vivante en tout cas. Passons à l'écoute du vrai son mystère. Oui. Celui-ci proposé par June. C'est une sorte de suite de la proposition de Mélia. Exactement. Ça pourrait, hein. Donc, je ne vais pas donner des indices. Moi, je ne connais pas la réponse, comme d'habitude. En tout cas, c'est très beau. En tout cas, si vous voulez aussi répondre au son mystère et non pas au ragot mystère, vous pouvez appeler le 078 244 57 54. Comme vous avez Antoine, vu, tu peux aussi répondre à ça et nous glisser par ailleurs exactement ton ragot. C'est le même numéro, hein, donc c'est au call center, c'est la centrale qui vont splitter les deux appels. Voilà, Rudy fera le tri. C'est les deux chaînes de la radio Archipel. Donc pour les radios, c'est Archipel 2, Archiradio 2. Puis maintenant, on peut écouter la chronique inversée. C'est la chronique de Vincent de Roguin avec Doris. Les livres qu'elle aime bien. Les livres qu'elle aime bien. Mais on va quand même lancer le jingle, même s'il est. Tu peux le mettre à l'envers. Non, t'as le revers. Hein. Je crois que tu peux mettre à le revers. On va essayer quelque chose.